Et donc, on avait aussi vu la définition de At-Tahara, la définition que les fuqaha ont donnée de la purification. Qui s'en rappelle? La purification. Ou alors, on va faire plus simple. On avait vu deux types de purification. Quels sont ces deux types? Sans explication, sans détail. Voilà, le premier, donc sans figurer, purifier son corps de toute maladie, le polythéisme, les péchés, etc. Et le deuxième? Non. Et donc, c'est quoi? Raful Hadeth, enlever l'état d'impureté, tout ce qui va dans son sens, et Wazawalul Khabeth, la disparition des souillures. Donc, je vais vous envoyer l'audio, je ne l'ai pas encore envoyé, pour l'explication de tout cela. Et donc, le deuxième hadith, قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. Selon Abi Huraira رضي الله عنه, que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, Allah n'accepte la prière d'aucun d'entre vous si il a rompu ses ablutions jusqu'à ce qu'il fasse ses ablutions. يستفاد من هذا الحديث وجوب الطهارة للصلاة. Donc nous pouvons tirer de ce hadith l'aspect obligatoire d'être en état de purification pour la prière. وقد أجمع العلماء على وجوب الطهارة للصلاة. Les savants sont unanimes concernant l'aspect obligatoire d'être en état de pureté pour pouvoir accomplir la prière. Mais si je vous dis les savants sont unanimes, cela ce n'est pas une preuve. Puisque nous avons parmi les preuves de la législation, ça c'est important de savoir quels sont les types de preuves de la législation. Nous avons parmi les preuves de la législation, le Coran. Nous nous basons sur le Coran. Ou la Sunna pour savoir qu'un acte est obligatoire ou pas. Mais nous avons aussi l'ijma. Sauf que si Abdul Karim, il vous dit il y a unanimité sur le sujet, ce n'est pas une preuve. Parce que Abdul Karim, sa parole, elle n'est pas prise en compte. Ça, c'est la parole des ulama, qui sont connus pour leur grande recherche. Lorsque eux, ils nous citent l'unanimité, alors là, cela est pris en compte. D'accord? Et donc, parmi les savants qui ont cité l'Ijma concernant ce sujet, nous avons Ibn al-Munzir, mort en 318 de l'Égypte. Nous avons aussi Ibn Hazm, mort en 456 de l'Égypte. Et d'autres, dont Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, tarahimahullah, mort en 628 de l'Égypte. Wa nuqila an ta'ifatin قليلاتين عدم الاشتراط للصلاة أي لصلاة الجنازة. Il a été rapporté d'un très petit nombre de savants le fait que l'état de pureté n'est pas obligatoire pour accomplir la prière mortuaire salatul janaza. Pourquoi? قالوا لأنها ليست بصلاة. Ils ont dit parce que la prière mortuaire c'est pas une salat. Il n'y a pas de recours, lisa fiha recours, wala sujoud. Il n'y a pas de recours, d'état d'inclinaison. Il n'y a pas de prosternation. Il n'y a pas de tashahoud. Ce n'est pas une prière. Cependant, wala akin, elle call alladhi la shakka fihi, huwa wujub, at-tahara li kulli salatin, wa kadhalika salatil janaza. Cependant, la parole sur laquelle, l'avis sur lequel il n'y a aucun doute, c'est que l'état de pureté est obligatoire pour toutes les prières, même la prière mortuaire. Pourquoi? لِأَنَّهَا salat. وَإِن تَغَيَّرَتِ الْهَيْئَةِ فَهِيَ تُسَمَّ صَلَاتًا. Parce que cette prière, elle s'appelle prière. Elle s'appelle la prière mortuaire. même si la forme change, mais elle s'appelle prière mortuaire. Elle va donc rentrer dans la généralité du hadith. Est-ce que c'est compris? Aussi, nous avons dans la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, « Ya ayyuha alladhina amanu, idha kumtum ila salati farsilu wujuhakum, wa aydiyakum ila al-marafiq, wa msahu bi ru'usikum, wa arjulakum ila al-ka'bain. » Oh, vous qui avez cru, lorsque vous vous levez pour accomplir la prière, alors lavez vos visages, ainsi que vos mains jusqu'aux coudes, et passez l'eau sur vos têtes, et lavez vos pieds jusqu'au Ka'bah. فَقَدْ يَظُنُّ ظَنُّ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْنَا الْوُضُوءُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاتٍ كُلَّمَا أَرَدْتَ أَنْ تُصَلِّي فَتَوَضَّأْ لِمَا لِأَنَّ فِي الْآيَةِ إِذَا كُنْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ. Il se peut qu'une personne pense qu'il est obligatoire de faire ses ablutions à chaque fois que tu veux prier, même si tu avais déjà tes ablutions. Il se peut que tu penses que c'est obligatoire. Pourquoi? Parce que Allah, il dit « Ya ayyuha alladhina amanu, idha kumtum ila salat. » Oh, ceux qui ont cru, si vous vous levez, lorsque vous vous levez pour accomplir la prière. Et donc là, aujourd'hui, on a prié salat al-isha, on s'est assis. Après salat al-isha, tu vas vouloir accomplir nafila. Tu vas te lever, tu vas refaire tes ablutions. Et tu reviens ici prier la kate. Pourquoi? Parce que là maintenant, tu veux de nouveau prier. On va te dire non, laisse al-amr hakada. Il est important de comprendre quand tu veux comprendre les textes de la législation, il faut savoir qu'il y a un point essentiel qui est que Allah tabaraka wa ta'ala, il a préservé cette législation, il a préservé son livre, le Coran. Et donc, personne aujourd'hui ne peut changer les paroles d'Allah tabaraka wa ta'ala sans qu'il soit dévoilé. Parce que Allah azza wa jalla, il a préservé ce livre. Mais il a aussi préservé les significations du livre. Pourquoi? Parce qu'il a préservé la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la sunna, elle vient expliquer le Coran. Tu ne peux pas comprendre le Coran sans la sunna. Et donc à tous ceux qui nous disent aujourd'hui, non, la sunna, je ne prends pas parce que parfois il y a des hadiths qui sont faibles, etc. Tu dis, ok, excuse-moi, ce verset, comment tu fais? Tu fais tes ablutions à chaque fois? À chaque fois que tu veux prier, tu fais tes ablutions, même si tu as déjà tes ablutions? Il va te dire non. Tu vas dire, ben, tu l'as pris où? Dans la sunna. Dans la sunna. Comme dans ce hadith que nous venons de voir aujourd'hui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « La yakbalu Allahu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda. » Comme on vient de le voir dans le hadith d'aujourd'hui, Allah n'accepte la prière d'aucun d'entre vous s'il rompt ses ablutions. Jusqu'à ce qu'il fasse ses ablutions. Et donc là, il t'est obligatoire de refaire tes ablutions lorsque tu vas à la salat si tu as perdu tes ablutions. Mais sinon, ce n'est pas obligatoire. إذن الوجوب على من أحدث دون غيره. Et donc, il est obligatoire de faire ces obligations pour toute personne qui les a rompues, mais pour les autres, ce n'est pas obligatoire. أخرج مسلم في صحيحه عن بريدة بن الحسين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه فقال له عمر لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنع فقال عمدا صنعته يا عمر. L'imam muslim, il a cité selon Bouraïda ibn al-Husayb que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour de la prise de la Yawm al-Fath, qu'est-ce qui est voulu par Yawm al-Fath? Fath Mecca ou autre? On va chercher un peu plus et on va dire Inch'Allah la semaine prochaine. Et donc soit Fath Mecca, soit Al-Hudaybiyah. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a accompli les prières avec une seule, alors qu'il avait fait ses ablutions une seule fois. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a accompli ses cinq prières, ou du moins les prières, alors qu'il avait fait ses ablutions, il avait fait le wudu une seule fois. Et Omar, il lui a donc dit, tu as fait quelque chose que tu n'avais pas l'habitude de faire, ô messager d'Allah. Alors il a dit, je l'ai fait intentionnellement, ô Omar. Ok ? Je l'ai fait intentionnellement, ô Omar. إذن يجوز للمسلم أن يصلي أكثر من صلاة بوضوء واحد بشرط أن لا يحدث. Et donc, il est permis aux musulmans d'accomplir plusieurs salats avec, alors qu'il a accompli ses ablutions une seule fois, à condition qu'il ne perde pas ses ablutions. لكن لو كان الشخص يريد أن يتوضأ لكل صلاة وإن لم يحدث فله ذلك. Cependant, si une personne, elle veut faire ses ablutions pour chaque prière, même si elle n'a pas rompu ses ablutions, est-ce qu'elle peut le faire? Oui. Oui, elle peut le faire. أخرج البخاري عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة وكان أحدنا يكفيه الوضوء ما لم يحدث. Et donc Al-Bukhari, il cite selon Anas ibn Malik, radiallahu anhu, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il faisait ses ablutions pour chaque prière. Mais chacun d'entre nous, donc les compagnons, il lui suffisait de faire ses ablutions une fois, tant qu'il ne les a pas rompues. Et donc, si tu veux faire tes ablutions pour chaque prière, tu peux le faire. Mais attention, je vais attirer votre attention sur un point important ici. أنبهكم على حديث قد سمعته من بعض إخواننا. Et donc j'attire votre attention vers un hadith que j'ai entendu de certains de nos frères. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوضوء على الوضوء نور على نور. Un hadith stipulant que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, les ablutions, alors que tu as déjà tes ablutions, c'est une lumière sur une lumière. Est-ce que vous avez déjà entendu ce hadith? Ah, en arabe, non pas? Non? Et donc ce hadith, en réalité, les frères, il est da'if. C'est un hadith faible. Al-Albani, il dit, rahimahullah, « وَأَمَّا الْحَدِيثُ الْمَشْهُورُ عَلَى الْأَلْسِنَةِ الْوُضُوءُ عَلَى الْوُضُوءِ نُورٌ عَلَى نُورٍ فَلَا أَصْلَ لَهُ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما أفاده المنذري والعراقي. Et donc Al-Albani, il dit, en ce qui concerne le hadith qui est très connu, que les gens prononcent beaucoup, stipulant que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit que faire les ablutions alors que tu as déjà tes ablutions est une lumière sur une lumière. Il dit, ce hadith n'a aucun fondement venant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains savants ont dit, je l'ai cherché et je n'ai trouvé aucune chaîne de transmission pour ce hadith. Aucune chaîne de transmission. Et donc, oui, il est permis de faire tes ablutions alors que tu as déjà tes ablutions. Mais ne t'appuie pas sur le hadith qu'on vient de citer. Car c'est un hadith faible. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, ben kadhab alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Celui qui ment sur moi, alors qu'il prépare sa place en enfer. Et ensuite, on va voir quelques points importants avant de finir, inshallah ta'ala. فَلَوْ أَنَّ أَحَدَ الْمُسْلِمِينَ صَلَّ صَلَاةً ثُمَّ تَذَكَّرَ بَعْدَهَا أَنَّهُ كَانَ مُحْدِثًا مَذَا عَلَيْهِ. Si un des musulmans, il accomplit une prière, et ensuite il se rappelle après cela qu'il avait rompu ses ablutions. Qu'est-ce qu'il fait? Vas-y, dis-moi. Hein? Il doit refaire la prière. On est sûr? Hein? Refaire les odos et après la prière. Non, refaire les ablutions et après la prière. Il s'est rendu compte après. Il refait ou pas? Non. Mais là, il a dit quelque chose, Yassine. Il a dit, il s'est rendu compte après, pas pendant. C'est-à-dire la prière, elle est terminée. C'est pas moi qui ai dit ce que tu as dit. Je juste te poser la question. Est-ce que c'est pendant après ? Non. Et donc, à partir du moment où il s'est rendu compte qu'il n'a pas ses ablutions, s'il est pendant la prière, il sort de la prière. S'il a fini la prière, il va faire ses ablutions et il revient, il refait la prière. Car c'est une condition pour la validité de la prière. Mas'alatun ukhra, law anna ahad al-muslimin shara'a fi as-salat thumma shakka hal intaqada wudu'uhu aw la, madha alayh? Une personne qui accomplit la prière et ensuite, pendant la prière, il doute. Il doute, est-ce que j'ai perdu mes ablutions ou pas ? Certitude. Mais tu ne veux pas être sûr d'avoir la récompense, être sûr que ta salat est authentique ? Non ? Al-Asl ? Yakin ? Met Dalil. Et donc, la Bouddha a na'rif qa'idatan muhimma wa hiya anna shak la yuzilu al-yaqin. Il est important de connaître qu'une règle importante, c'est que le doute ne fait pas partir la certitude. Ou al-yaqin la yazulu bi-shak. La certitude ne part pas avec le doute. Istanbata al-ulama هذه القاعدة من حديث أخرجه الشيخان شوكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد الشيء في صلاته. Et donc les savants, ils ont tiré cette règle d'un hadith qui a été cité par الشيخان البخاري et مسلم, qui stipule que les compagnons ont cité au prophète صلى الله عليه وسلم un homme qui durant sa prière avait des doutes, يجد شيئا. Il avait des doutes. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. Le prophète صلى الله عليه وسلم il a dit, il ne part pas, il ne quitte pas la prière tant qu'il n'entend pas un son ou qu'il ne prend pas, qu'il ne sent pas une odeur. C'est-à-dire, il ne quitte pas sa prière jusqu'à tant qu'il n'est pas sûr. Tant qu'il n'est pas sûr qu'en effet, il a rompu ses ablutions, il ne quitte pas sa prière. Et donc, la certitude ne s'en va pas avec un doute. Aujourd'hui, tu es sûr que tu as fait tes ablutions. Mais là, tu ne te rappelles pas, est-ce que je les ai perdues, je ne me rappelle plus. Tu pries. Tayyib mas'ala. Law anna rajulan salla. وتذكر أنه أحدث لكنه لا يذكر هل توضأ بعد ذلك. À l'inverse, un homme il prie, il a prié, et ensuite après la prière il s'est rappelé qu'en fait avant il avait perdu ses ablutions. Il avait perdu ses ablutions, mais il ne se rappelle pas est-ce qu'il a fait ses ablutions ou pas. El yakin c'est أحدث. Et donc, la certitude, c'est qu'il a perdu ses ablutions. C'est ça. On applique la même règle. On applique la même règle, mais à l'inverse. C'est-à-dire qu'on se base sur la certitude. C'est qu'il est sûr qu'il a perdu ses ablutions. Mais est-ce qu'il les a refaits? Ça, il n'est pas sûr. Et donc, on se base sur la certitude. Il refait ses ablutions et il refait la salat. El-imam. Law anna al-imam tadhakkara annahu muhdith fi salat. فماذا عليه وماذا على المأموم. Donc l'imam il fait rappel pendant la prière qu'il a perdu ses ablutions. Qu'il n'a pas fait ses ablutions. Qu'est-ce qu'il fait pendant la prière et les gens qui sont qui le suivent, qu'est-ce qu'ils font? Voilà. Et donc les savants ils disent que l'imam il doit partir. Et en partant, il peut dire Fulan salli bin nas. L'imam, il se rappelle, à partir du moment où il s'en rappelle, par exemple, il dit, Ali, salli bin nas. Prie avec les gens, finis la prière des gens. Et donc, on a déjà fait une raka, deux raka. À la deuxième raka, l'imam, il se rappelle. La yajouz, il ne lui est pas permis de terminer la salat. De se dire, ah, mais les gens vont dire que, ah, mais qu'est-ce qu'ils vont penser? Ah, mais comment ils vont faire? Alhamdulillah, maintenant, ils savent comment faire. On l'a expliqué à la mosquée. Comment on fait? L'imam, il part. Ali, vas-y, finis la prière. Ali, il s'avance. L'imam, il part. Et ensuite, Ali, il finit rakatayn avec les gens. Taïb. Mais au final, les prieurs, ils auront compris rakatayn avec un imam qui n'avait pas ses ablutions et rakatayn avec un imam qui avait ses ablutions. Alors, est-ce que Ali va nous faire 4 rakats, donc un total de 6? Ou alors on fait quoi? Continue, 4 rakats. Donc 2 plus 2. Mais la prière, les gens, normalement, si la yadjouz, tout ça, les khalfa imam les salah wudu. Et donc, normalement, la personne n'a pas le droit de prier derrière un imam qui n'a pas ses ablutions. Mais ça, c'est quand tu sais qu'il n'a pas ses ablutions. Là, l'individu n'est pas jugé concernant quelque chose qu'il ne sait pas. Il n'est pas jugé concernant cela. Même quand l'imam, il part, tu ne sais pas, en fait. Si ça se trouve, il avait ses ablutions, il les a perdues au moment où il est parti. Donc, tu ne sais pas s'il les a perdues à ce moment-là ou s'il les avait perdues avant. Tu n'es pas jugé en fonction de cela. D'accord? Et donc, nous, on va arrêter là pour aujourd'hui. Et, bi'idhnillahi ta'ala, on reprend la semaine prochaine avec le troisième hadith. وفق الله الجميع لما يحبه وارضاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا. وفيكم بارك الله.